الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc le cours de la semaine dernière portait sur les prières surérogatoires, salat al-tatawwa. Quelle est la définition qu'on avait donnée de salat al-tatawwa? Quelle est la définition d'une prière surérogatoire? Ce sont les prières qui ne sont pas obligatoires. Toutes les prières qui n'ont pas le jugement de l'obligatoire sont considérées comme des prières surérogatoires, donc at-tatawwa. On avait cité les mérites des prières surérogatoires. Quel est leur mérite? Quel est le bien qu'elles peuvent apporter? On avait cité un hadith à ce sujet. Ça compense les prières obligatoires. Ahsante. Que les prières surérogatoires compensent les prières obligatoires, c'est-à-dire ils compensent le manque qui peut être amené ou contenu dans les prières obligatoires. On avait cité ce hadith, à ce sujet le hadith d'Abu Huraira radiallahu anhu, où le prophète alayhi sallam a dit que la première chose sur laquelle sera jugée la personne le jour du jugement sera sur sa prière. Si elle est bonne, alors il aura gagné, et si elle n'est pas bonne, Allah subhanahu wa ta'ala dira à ses anges, Unzuru hal li 'abdi min tatawwa. Regardez si mon serviteur a son acquis des prières surérogatoires. Fatukammila aw fayukammalu biha man taqasa min faridatihi. Afin que cela complète ce qu'il manquait de ses prières obligatoires. On avait dit également qu'il était préférable de les faire à la maison, que le prophète alayhi sallam a dit khayru salati al-'abdi alaykum bis-salati fi buyutikum fa inna khayra salati al-mar'i. Ensuite le prophète sallam a dit faites les prières chez vous, car la meilleure prière de la personne est celle qu'il fait chez lui, hormis la prière obligatoire, illa salat al-maktuba. Ensuite on avait l'auteur avait divisé les prières surérogatoires en mutlaqa wa muqayyada. Qu'est-ce qu'une prière surérogatoire mutlaqa? C'est recommandé? Non, mutlaqa. Non restreinte. Qui est non restreinte, c'est-à-dire non restreinte? C'est-à-dire elle n'est pas liée à. C'est-à-dire à quelque chose qui va le. Ob la arabie la. Elle est laissée bi muqayyada bi. Bi waqt ou bi. Ahsante. Elle non restreinte, c'est-à-dire que ce sont des prières qui ne sont restreintes ni par leur quantité, ni par le moment où on les accomplit. Et il y a des prières qui, elles, sont muqayyada, c'est-à-dire qui sont restreintes, c'est-à-dire qu'elles sont restreintes par leur nombre, par leur quantité, et elles sont également restreintes dans le moment où on les accomplit. Tayyib. Al-Falmuqayyada, on avait dit que c'était ce qui était connu comme As-Sunan Ar-Rawatib. On a dit As-Sunan Ar-Rawatib. As-Sunan Ar-Rawatib, ce sont celles qui sont restreintes dans leur nombre et dans le moment où on les accomplit. Et on avait dit que les prières restreintes se divisent en deux. Il y a Al-Mu'akkada et Ghayr. Al-Mu'akkada. Il y a celles qui sont fortement recommandées et celles qui sont simplement préférables. Et on avait dit que celles qui sont fortement recommandées, Ar-Rawatib, sont au nombre de 12. Quelles sont-elles? Deux dans l'ordre. Dans l'ordre comme elles sont citées dans le hadith. Deux avant Dohor. Quatre après avant Dohor. Deux après. Deux après le Maghrib. Deux après l'Aïcha. Et deux avant Salat al-Subh. Donc il y a quatre avant Dohor, deux après Dohor, deux après le Maghrib, deux après l'Aïcha et deux après Salat al-Subh, ce qui fait un total de 12. Et le prophète alayhi sallam a dit, celui qui prie 12 rak'at dans une journée, dans la journée et la nuit, Allah subhanahu wa ta'ala lui bâtit ou lui construit une maison au paradis. Donc ça, ce sont celles qui sont mu'akkada, c'est-à-dire celles qui sont fortement recommandées, celles que le prophète alayhi sallam ne délaissait jamais lorsqu'il était lorsqu'il n'était pas voyageur. Et lorsqu'il était voyageur, le prophète alayhi sallam délaissait lesquelles de ses rawatib? Il délaissait celles de Al-Dohar, du Maghrib et du Aïcha. Le prophète sallam, lorsqu'il était en voyage, ne faisait pas les quatre avant Dohar ni les deux après. Il ne faisait pas les deux après le Maghrib, il ne faisait pas les deux après l'Aïcha. Et il faisait Al-Fajr et Al-Witr. Il y a celles qui ne sont pas fortement recommandées, mais qui sont préférables. On avait dit, quelles étaient ces prières? Deux avant l'Asr, deux avant le Maghrib, et deux avant l'Aïcha. Et la preuve est le hadith du prophète sallam qui dit, entre chaque deux adhan, il y a une prière, c'est-à-dire entre l'adhan et l'iqama. Non? L'imansha. Non, sahih. Le prophète sallam a dit l'imansha. Par la suite, il a dit pour celui qui le désire. D'où le fait que les savants ont déduit que ces prières étaient uniquement préférables et non fortement recommandées. Pourquoi? Car le prophète sallam a dit l'imansha, pour celui qui le désire. Deux plus deux avant l'Asr, c'est quoi? Les quatre avant l'Asr, deux et deux, c'est quoi? C'est là où on arrive, justement. Il y a aussi les quatre où le Prophète sallam a dit Rahimallahu abdan salla qabla l'Asri arba'an. Il y a aussi quatre raka'at qui elles aussi sont considérées comme préférables, les quatre raka'at avant l'Asr. Le Prophète sallam a dit qu'Allah entre dans sa miséricorde toute personne qui prie avant la prière de l'Asr quatre raka'at. Ensuite, on avait parlé des lectures, des versets qu'il fallait lire dans certaines de ces prières. Qu'est-ce qu'on avait dit à ce sujet? Dans Sunnat al-Fajr, qu'est-ce que le professeur Sam lisait? Naam. Qul huwa Allahu ahad, dans la deuxième. Qul ya ayyuhal kafirun, dans la première. Et Qul huwa Allahu ahad, dans la seconde. Il y a aussi d'autres versets que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait dans sourate al-Baqara. Qulu amanna billah wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim, jusqu'à la fin du verset. On avait dit que c'était le verset 136 de sourate al-Baqara. Et dans la deuxième raka'a, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait dans sourate al-Imran. Il y avait deux versets, on avait dit qu'il y avait deux hadiths à ce sujet, il y avait deux versions. La première, c'est le prophète sallam disait فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرِ قَالَ مَنْ أَنْصَارِ إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَ بِاللَّهِ وَشَهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. Si on avait dit que c'était le verset 64, le verset 52 de surat Al-Imran. Il y a une autre version où le prophète sallam lisait dans la deuxième raka'at قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون. Qui était le verset 64 de sourate Al-Imran. Ensuite, on avait parlé également de ce que le prophète sallam lisait durant les deux raka'at après le Maghrib. Qu'est-ce qu'il lisait? قل يا أيها الكافرون dans la première et قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ dans la seconde. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam On avait cité aussi un frère qui avait posé la question la semaine dernière sur al-witr. Est-ce qu'il est autorisé de lire durant le witr qul huwallahu ahad, qul a'udhu birabbil falaq et qul a'udhu birabbin nas? La réponse est oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, comme cela était rapporté dans Sunan at-Tirmidhi. Et quant à la question que le frère avait posée la semaine dernière sur les deux raka'at que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait après al-witr, il disait إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَلَهَا dans la première et قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ dans la seconde. Contrairement à ce que j'ai dit la semaine dernière de lire قُلْ اللَّهُ أَحَدَ dans la première et إِذَا زُلْزِلَتِ dans la seconde, c'est l'inverse. طيب, ensuite on a parlé de l'ouitr, la prière du ouitr. Quel est le jugement de la prière de l'ouitr? C'est une sunna mu'akkada, c'est une sunna fortement recommandée. Et quel hadith on avait cité à ce sujet, le hadith qui montre justement que al-witr c'est quelque chose de fortement recommandé, où le prophète a dit ahl al-Qur'an awtiru, oh vous les gens du Coran, faites al-witr, fa inna Allah witrun yuhibbu al-witr, car Allah subhanahu wa ta'ala est witr, c'est-à-dire qu'il est unique, yuhibbu al-witr, il aime les choses impaires. Donc dans ce hadith, les savants l'ont déduit qu'il était préférable de faire al-witr. Taïm, le moment où on peut faire al-witr. De al-isha, de la prière après al-isha, jusque avant le fajr. Et après la dernière, est-ce qu'il est autorisé de le faire ou pas? Beaucoup de savants l'autorisent, mais à une condition, comme cela est testé dans certains hadiths, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé à un compagnon de faire al-witr après l'adhan du fajr, et dans d'autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas autorisé à un compagnon de faire al-witr après l'adhan. Et les savants ont dit, celui qui a délaissé al-witr involontairement, par oubli de sa part, ou parce qu'il s'est endormi, il lui est autorisé de faire al-witr, même si c'est après l'adhan du fajr. Pour celui qui est excusé, il a le droit de faire al-witr après l'adhan du fajr. Quant à celui qui l'a délaissé volontairement, celui qui a délaissé al-witr volontairement sans raison valable, après l'adhan du fajr, il ne lui est plus légiféré de faire al-witr. Donc tout dépend de la personne, si elle est excusée ou non. Si elle est excusée, oui, elle peut le faire, comme le disent la plupart des savants. Si elle n'est pas excusée, alors elle ne le fait pas après l'adhan du fajr. On avait dit qu'il était autorisé de faire al-witr, au début de la nuit pour celui qui avait peur de ne pas se lever. Et que le mieux était de le faire à la fin de la nuit, c'est le moment le plus propice pour faire al-witr. On avait cité le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait à la fois questionné Abu Bakr radiallahu anhu et avait questionné Omar radiallahu anhu. طيب يقول المؤلف عدد ركعات الوتر وصفته le nombre des ركعات de la prière du witr ainsi que de la description de celle-ci. أقل الوتر ركعة عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فصلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. Donc le nombre minimum du witr est d'une rak'at. La preuve est le hadith d'Ibn Umar qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la prière de la nuit se fait par deux, mathna mathna. Si l'un d'entre vous idha khashi ahadukum as-subh, si l'un d'entre vous a peur de ne pas se lever avant subh, qu'il prie alors une rak'at qui sera considéré pour lui comme un witr de ce qu'il a prié auparavant. Qui sera considéré pour lui comme un witr de ce qu'il a prié auparavant. Donc s'il a prié par exemple deux raka'at après l'Isha, de prier une seule raka'at sera considéré pour lui comme un witr. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith a bien défini le minimum du witr comme étant une raka'at. وَيَجُوزُ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ أَوْ خَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ أَوْ تِسْعٍ. Et il est autorisé de faire al-witr en 3 raka'at, en 5, en 7 ou bien en 9. An Aisha qalat ma kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yazidu fi Ramadan wa la fi ghayrihi ala 11 raka'ah yusalli 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا حديث متفق عليه. Donc il est autorisé de faire al-wit en 3 rak'at, en 5, en 7 ou en 9. La preuve qu'il est autorisé de les faire en 3 est le hadith de Aïcha radiallahu anha, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, où Aïcha radiallahu anha dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ajoutait pas pendant le ramadan ni en dehors du ramadan, ne faisait pas plus de 11 rak'at. Il priait 4 rak'at. Ne demande pas, yani falatas el, c'est-à-dire ne demande pas sur la perfection avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait ses 4 raka'at, et ne demande pas également sur la longueur de celle-ci. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ses 4 raka'at de façon parfaite et très très longue. Thumma yusalli arba'an, puis il priait encore 4 raka'at. Fala tas'al an husnihin wa tawlihin, ne demande pas sur leur perfection ainsi que sur leur longueur. Thumma yusalli thalatha, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait 3 rak'at, ce qui fait un total de 11. 4 plus 4 plus 3. Donc dans ce hadith, on en déduit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait al-witr en faisant 3 rak'at. Et concernant le witr en 3 rak'at, il y a deux façons rapportées dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam: soit de faire les 3 d'affilée, de s'asseoir à la troisième et de faire le taslim, ou bien alors d'en faire 2, de s'asseoir, de faire le taslim et de se lever et d'en faire une seule. Il y a deux façons de faire le witr lorsque tu l'accomplis en 3 rak'at. Wa anha qalat kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yusalli min al-layl 13 rak'ah yutiru min dhalika bi khams la yajlisu fi shay'in illa fi akhiriha hadith sahih rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidhi. Quelle est la preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait également al-witr en 5 raka'at? C'est le hadith de Aïcha également, rapporté par Muslim, Abu Daoud et Tirmidhi, hadith authentique, où Aïcha radiallahu anha dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait la nuit 13 raka'at. Yutiru min dhalika bi khams, il faisait al-witr en faisant 5 raka'at. La yajlisu fi shay'in illa fi akhiriha, il ne s'asseyait durant ces 5 que durant la dernière raka'at. Hadith authentique rapporté par Muslim. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait 13 raka'at. Aïcha radhiyallahu anha dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait 13 raka'at. Il en priait 2. Dans d'autres hadiths, Aïcha radhiyallahu anha a expliqué ou a donné la description des prières qui ont précédé les 5 de l'witr, c'est-à-dire combien de raka'at? Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le witr en 5 raka'at et qu'il a prié en tout 13 raka'at, 8, il reste 8 raka'at. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prié 8 raka'at en les séparant par 2. Il en a fait 2, puis 2, puis 2, puis 2. Et ensuite il en a fait 5 et ne s'est assis que dans la 5e raka'at et a fait le taslim. Et les savants ont dit que dans ces 8 que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, il y en a 2 qui sont Sunnat al-Isha, qui sont les 2 après la prière de l'Isha. Il y a 2 avis des savants. Certains savants ont dit que ce sont 2 raka'at qui sont après Salat al-Isha, donc qui n'entrent pas dans la prière de la nuit. Et d'autres savants ont dit que ce sont 2 raka'at que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait en guise d'ouverture de la prière de la nuit. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait la prière de nuit, il faisait 2 raka'at khafifataini. Il faisait 2 raka'at qu'il accomplissait rapidement, et ces 2 raka'at, le prophète sallam les considérait comme étant 2 prières d'ouverture. Donc ils ne sont pas considérés comme une prière de nuit. Donc il n'y a pas de contradiction entre ce hadith de Aïcha radiallahu anha où elle dit que le prophète sallam a pris 13 raka'at, et le hadith précédent où elle dit que le prophète sallam n'a pas fait plus de 11. Dans un hadith, Aïcha radhiyallahu anha a dit que le prophète sallam n'a pas fait plus de 11. Et dans ce hadith, elle a dit que le prophète sallam en a fait 13. Il y a une contradiction ou pas? Non. Pourquoi? Car les 2 ne sont pas considérées comme qiyam al-layl, elles sont considérées soit comme sunnat al-fajr, sunnat al-isha, afwan, les 2 raka'at après l'isha, ou bien alors 2 raka'at que le prophète sallam faisait pour ouvrir sa prière de nuit. Et donc, lorsque tu veux prier Al-Witr en 5 raka'at, comment est-ce que tu fais? Tu fais 5 raka'at et tu t'assois à la cinquième. À la cinquième raka'at, tu t'assois, tu fais le tashahoud et tu fais le tasli. Vous avez saisi? طيب. وعنها قالت كنا نعد له صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ويصلي 9 ركعات لا يجلس إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلي 9 ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي 2 بعدما يسلم وهو قاعد فتلك 11 ركعة يا بني فلما أسن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم أوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول فتلك 9 يا بني حديث صحيح رواه مسلم وأبو داود والنسائي. Et quelle est la preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait al-witr en 9 et en 7 raka'at? Donc on a vu les 3, on a vu les 5, il manque les 7 et les 9. La preuve, c'est le hadith de Aïcha radiallahu anha également, rapporté par Muslim, Abu Daoud et An-Nasa'i, lorsque un tabi'i lui a posé la question à Aïcha radiallahu anha. Un tabi'i, c'est-à-dire ceux qui sont venus après les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien ceux qui n'ont pas eu la chance de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'avoir cru en lui, d'accord? Donc un tabi'i qui était jeune a demandé à Aïcha radhiyallahu anha comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait la nuit. Elle lui a répondu kunna nu'iddu lahu, nous lui préparions, c'est-à-dire nous préparions au prophète sallallahu alayhi wa sallam son siwak wa tahurahu, ainsi que l'eau avec laquelle il faisait ses ablutions. Fayab'athuhu Allahu ma sha'a an yab'athahu min al-layl. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dormait ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait permis et accordé de dormir. Puis lorsqu'il se réveillait, il faisait le siwak. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se réveillait, on avait déjà vu cette sunna que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se réveillait, quelle était la chose qu'il faisait? Il faisait as-siwak. De même qu'il y a une autre sunna, lorsque le professeur Sam rentrait chez lui, qu'est-ce qu'il faisait? As-siwak. Donc, lorsque le professeur Sam se réveillait, il faisait as-siwak, il frottait ses dents avec oud al-araq, puis faisait ses ablutions et priait 9 raka'at. Il ne s'asseyait que durant la 8e. Écoutez bien, le professeur Sam priait 9 raka'at. Il ne s'asseyait que durant la 8e. Fayadhkurullah wa yahmaduhu wa yad'uhu. Puis faisait le rappel d'Allah, le remerciait et l'invoquait. Autrement dit, il faisait at-tashahhud. Autrement dit, il faisait at-tashahhud. Thumma yanhad wa la yusallim. Puis se levait, il ne faisait pas le taslim. Thumma yaqumu fa yusalli at-tasi'a. Puis se levait et priait la 9e raka'at. Thumma yaq'ud, s'asseyait. Faisait le rappel d'Allah, le remerciait et l'invoquait, c'est-à-dire qu'il faisait at-tashahhud, thumma yusallim tasliman yusmi'una. Puis il faisait at-taslim à voix haute et ce taslim était entendu. Les femmes du prophète sallam entendaient le taslim du prophète alayhi sallam. Thumma yusalli rak'atayn ba'da ma yusallim wa huwa qa'id. Puis le prophète sallam priait 2 rak'at après cela en étant assis. Le prophète sallam faisait 2 raka'at ensuite en étant assis. En tout, il a fait combien de raka'at? 11. Il en a fait 9 en faisant 8 d'affilée, en s'asseyant à la 8e, en se relevant, en faisant le tashahhud, en se relevant, faisant la 9e, refaisant le tashahhud, et faisait le taslim, puis par la suite, il faisait 2 raka'at en étant assis. Fatilka ihda ashrata raka'a bunay. Et ce sont un total de 11 raka'at ô mon enfant. Donc c'est Aïcha radhiyallahu anha qui parlait à ce tabi'i. Falamma asanna nabiyullah sallallahu alayhi wa sallam, et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vieilli et wa akhadha al-lahm, et que sa viande, yani que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a grossi entre guillemets, même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas quelqu'un de gros, mais la personne, plus elle vieillit et plus son corps prend de l'ampleur, plus son corps prend de l'ampleur. Cela ne veut pas dire que le prophète sallam était obèse ou qu'il était gros. Non, le prophète sallam avait un corps parfait. C'était même un des plus forts, alayhi salatu wassalam. Il avait une force incroyable. Et c'est ainsi, et l'être humain est ainsi lorsqu'il vieillit et que ses mouvements se font de plus en plus peu nombreux. Il est obligatoire, ou il a pour conséquence que cette personne, plus elle vieillit et plus elle grossit, elle prend un peu de poids. Et le prophète sallallahu alayhi nous informe dans des hadiths que ceux qui vont arriver par la suite seront des personnes qui seront obèses, comme cela est rapporté dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, hadith de Imran ibn Husayn, où le prophète sallallahu alayhi a dit khayrukum qarni, les meilleurs sont ceux de mon siècle, thumma alladhina yalunahum, puis ceux qui les suivent. Et Imran ibn Husayn radiallahu anhu, dans ce hadith, a dit, je ne sais plus si le prophète sallallahu alayhi avait rajouté encore et ceux qui le suivent, car on sait que les trois siècles préférentiels, ou les trois meilleurs siècles de cette communauté, sont ceux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou les trois générations sont la génération du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis celle qui l'a précédé, puis celle qui l'a précédé. Dans d'autres versions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rajouté une quatrième génération, puis celle qui l'a précédé, puis celle qui l'a suivi. Enfin, les meilleures générations sont ma génération, puis celle qui l'a suivi, puis celle qui l'a suivi, et dans une autre version, puis celle qui l'a suivi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, puis viendra un peuple, ils trahiront et ne seront plus de confiance, et on ne pourra plus leur faire confiance. Et puis ils feront des vœux sans les accomplir, et il apparaîtra dans ce peuple l'obésité. Le prophète a parlé de l'obésité, et ça, c'est un des miracles du prophète de prévoir et de prédire à l'avance que ceux qui vont venir après, ils seront connus pour être l'obésité sera répandue chez eux. Et ça, on le voit à notre époque. Et le prophète alayhi sallam, lorsqu'il a cité l'obésité, les savants ont dit, le prophète sallam ne l'a pas cité en bien, au contraire, il l'a cité en mal. C'est pour cela que le prophète alayhi sallam a dit dans un hadith, al-mu'min al-qawi khayrun wa habbu ila Allahi min al-mu'min al-da'if. Le croyant fort est meilleur et préférable chez Allah, et préféré chez Allah que le croyant faible. Et ensuite, le professeur Sam a dit « وَفِي كُلِّنْ خَيْرٍ ». Mais dans les deux, il y a un bien. « وَفِي كُلِّنْ خَيْرٍ ». Donc les savants conseillent à ceux qui sont obèses ou ceux qui ont du surpoids de faire des efforts, de faire du sport, de faire ce qu'ils ont à leur possibilité pour enlever justement ce surpoids. Puis, Aïcha a dit « فَلَمَّا أَسَنَّ نَبِيُّ اللَّهِ » Et lorsque le professeur Sam a vieilli et a pris du poids, il faisait le witr en faisant 7 rak'at. Comment est-ce que le professeur sallam faisait les 7? Il en faisait 6 d'affilée, puis s'asseyait, faisait le tashahoud, se relevait, faisait la 7e, refaisait le tashahoud, faisait le taslim et faisait ensuite 2 rak'at en étant assis, ce qui fait un total de 9. Vous avez saisi ou pas? Vous avez saisi la façon de faire le 8 en 3, en 5, en 7 et en 9? Quand on fait en 9, en fait, à la 8e, on fait teslim, les deux autres sont assis. Les deux autres sont assis. Voilà. Non. Les deux autres à la fois sont assis, c'est une après l'autre ou aussi? Non, les deux d'affilée. Une après l'autre, ça ferait 2 8. Et le prophète sallam dit là où il a filé là. Le prophète sallam dit il n'y a pas 2 8 dans une nuit. Donc les deux, tu les fais, les deux que le professeur Hassan faisait, ce sont 2 d'affilée. C'est bon, c'est clair? Assis, ça c'est. Il est autorisé de faire la prière assis. On avait dit qu'il était autorisé pour les prières surérogatoires de les faire assis, est-ce que la personne soit excusée ou non, qu'elle ait une raison valable ou non, qu'il était autorisé de faire la prière assis. D'accord? Mais que la récompense n'était pas la même. Donc tu as le choix de la faire assis ou de la faire debout. C'est pas la même récompense. C'est la moitié. Allah a'lam. Allah a'lam. Le prix assis, que je suis 30 tailleurs ou. Allah a'lam. Je ferai une recherche sur ça, inch'Allah. فإن أوتر بثلاث قرأ فيهن ما هو مذكور في هذا الحديث. Et lorsqu'il fait al-witr en trois rak'at, il doit réciter ce qui est cité dans ce hadith. عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في ركعة ركعة. حديث رواه الترمذي والنسائي. Selon Ibn Abbas, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait dans le witr bisabbihisma rabbikal a'la, surat la très haut, wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwa allahu ahad fi rak'atin rak'a. Dans la première, il lisait sabbihisma rabbikal a'la, dans la seconde qul ya ayyuhal kafirun, et dans la troisième qul huwa allahu ahad. Il y a d'autres hadiths qui citent, comme on a dit au début, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rajoutait dans la troisième قل أعوذ برب الفلق يقول أعوذ برب الناس comme cela est rapporté dans Sunan al-Tirmidhi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam une fois a même prié al-witr en lisant 100 versets de surat al-Nisa, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela est rapporté dans Sunan al-Nasa'i ibn Majah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam une fois a prié al-witr et a lu durant al-witr 100 versets de surat al-Nisa, de surat les femmes. القنوت في الوتر. Le قنوت durant le witr. Qu'est-ce que le قنوت? Les invocations. عن الحسن بن علي قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر. اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. سنو الحسن ابن علي il dit le prophète صلى الله عليه وسلم m'a enseigné des paroles à dire durant al-witr, c'est-à-dire durant le qunut pendant le witr, durant les invocations pendant al-witr. Il lui a dit Allahumma hdini fi man hadait, ou Allah guide-moi parmi ceux que tu as guidés, ou afini fi man afait, et épargne-moi parmi ceux que tu as épargnés, ou tawallani fi man tawallait, et prends-moi en charge parmi ceux que tu as pris en charge, ou barik li fi man a'tait, et bénis ce que tu m'as donné, ou qini sharra ma qadait, et épargne-moi le mal que tu m'as destiné, فَإِنَّكَ تَقْضِي, car il n'y a que toi qui destine, وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ, et personne d'autre que toi, وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَلَيْتَ, et n'est pas rabaissé celui que tu as pris comme allié, تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ, que tu sois glorifié et que tu sois élevé. Donc c'est une invocation que le prophète alayhi sallam a enseigné à Al-Hassan ibn Ali radiyallahu anhu. والسنه في هذا القنوت ان يكون قبل الركوع لحديث ابي بن كعب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر قبل الركوع حديث صحيح رواه ابو داود. Et la sunna durant ce qunut, durant cette invocation, c'est de le faire avant al-ruku'. Donc l'invocation que tu fais, qui est appelé al-qunut du witr, c'est-à-dire d'invoquer après avoir fini ta lecture de l'Fatiha et la sourate que tu lis, de lever tes mains et d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné à Al-Hassan ibn Ali, de lever tes mains et de faire les invocations, et cela avant al-ruku'. La preuve, avant l'inclinaison, la preuve est le hadith de Ubay ibn Ka'b qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait al-qunut, a fait l'invocation pendant le witr avant al-ruku', avant l'inclinaison. Wa la yushra'u al-qunut fi al-fariidati illa fi an-naazila, et il n'est pas légiféré de faire al-qunut durant les prières obligatoires si ce n'est lorsqu'un mal atteint les musulmans. ولا يخص به صلاة دون صلاة ويجعله بعد الركوع. Donc il y a deux sortes de qunut. Il y a qunut al-witr et il y a qunut al-nazila. Il y a l'invocation à dire ou à faire pendant la prière du witr, et il y a une invocation que les savants appellent qunut al-nazila. C'est une invocation que tu fais lorsqu'un mal ou lorsqu'un événement touche les musulmans. Lorsqu'un mal touche les musulmans, il est autorisé aux imams de faire le qunut durant la dernière rak'at de chaque prière obligatoire. Comme le professeur sallam l'a fait, le professeur sallam a fait le qunut pendant un mois, qunut al-nazila pendant un mois, et les savants disent qu'il n'y a pas de prière bien spécifique. Yani, tu peux le faire, le qunut al-nazila, lorsqu'un mal atteint les musulmans, tu peux invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en faveur de ces musulmans, soit qu'il les aide, ou soit qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur épargne le mal qui les atteint, ou leur fait éloigner d'eux les ennemis qui les attaquent, de faire l'invocation durant chaque prière obligatoire, et ceci durant la dernière raka'ah. Durant la dernière raka'ah de chaque prière obligatoire, dernière raka'ah de la prière du Fajr, ou du Dhuhr, ou du Asr, ou du Maghrib, ou bien du Isha. Tu as le choix entre ces prières, de les faire dans une de ces prières, ou même dans les cinq. Et tu le fais, qunut, l'invocation, tu la fais après l'inclinaison. On a dit qunut al-witr, l'invocation du witr, tu la fais avant l'inclinaison. Et qunut al-nazila, tu la fais après l'inclinaison. An Abi Hurayrata رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع. Et la preuve est le hadith d'Abu Huraira رضي الله عنه qui dit que le prophète صلى الله عليه وسلم lorsqu'il voulait invoquer sur quelqu'un ou lorsqu'il voulait invoquer en faveur de quelqu'un, il faisait le qunut après ar-ruku. Il faisait le qunut après ar-ruku, comme cela est rapporté dans Sahih al-Bukhari. Puis l'auteur dit وَأَمَّا الْقُنُوتُ فِي الْفَجْرِ أَبَدًا فَبِدْعَةً. Et quant au qunut pendant la prière du Fajr tout le temps, c'est une innovation. كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. Comme ont démontré cela les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم. Concernant le qunut du witr, le prophète صلى الله عليه وسلم a fait le qunut pendant Al-Fajr, pendant un mois, une période très courte où le prophète a fait qunut Al-Fajr, a fait le qunut pendant la prière du Fajr. Et les savants ont dit, et cela car un mal avait atteint les musulmans. Le prophète a fait cela car un mal avait atteint les musulmans. Et les savants se sont divergés sur cela. Est-ce qu'il est légiféré de faire qunut Al-Fajr, le qunut pendant le Fajr, est-ce qu'il est légiféré de le faire en dehors des nazilah, en dehors d'événements qui ont atteint ou qui sont survenus au sein de la communauté musulmane? Certains savants, comme l'imam Malik, disent que le qunut pendant le Fajr est légiféré tout le temps. Il était tout le temps légiféré de faire le qunut pendant le Fajr. Et la plupart des savants, et c'est l'avis le plus sûr et le plus vrai, Inch'Allah, c'est que qunut al-Fajr, tu le fais lorsque c'est une nazila, lorsqu'il y a un mal qui atteint les musulmans, mais tu ne dois pas spécifier ou tu ne dois pas faire un nazila que pendant Al-Fajr, car rien ne prouve cela. Rien ne prouve que un nazila se fait uniquement pendant Al-Fajr. Mais si un mal atteint les musulmans et que cela t'amène à invoquer en faveur de ces musulmans pendant la prière du Fajr, il n'y a pas de mal à cela. Mais de prendre cela comme une habitude et de le faire tout le temps, qu'il y a un mal ou non, cela, les savants considèrent comme étant une innovation. Et malgré cela, les savants disent que lorsque tu pries derrière un imam qui fait le qunut du Fajr, alors fais-le. Lorsque tu pries derrière un imam qui fait le qunut pendant le Fajr tout le temps, prie derrière lui et fais le qunut avec lui. C'est-à-dire lorsqu'il invoque, lève tes mains toi aussi et dis Amin. Comme le disent le Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, de même que le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, sont de cet avis. Pourquoi? Car c'est un sujet où il y a divergence entre des grands savants. Et il y a un respect à avoir envers cet avis-là. C'est pour cela que Cheikh Al-Albani, rahimahullah, lui qui considère que de poser sa main droite sur sa main gauche sur la poitrine après le recours, Cheikh Al-Albani dit que c'est une bid'a, c'est une innovation. Pour lui, c'est une innovation de mettre sa main droite sur sa main gauche sur sa poitrine en se relevant de l'inclinaison. Et pour Cheikh Ibn Baz, c'est une sunna. Et Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, lui considère que c'est une sunna. Et Cheikh Al-Albani, rahimahullah, dit, lorsque je prie derrière Cheikh Ibn Baz, eh bien, je pose ma main droite sur ma main gauche sur ma poitrine après le recours. Par respect pour Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. Pourquoi ? Car Cheikh Ibn Baz, lorsqu'il dit cela, il a fait un effort, d'accord ? Il a des preuves, et c'est un avis qui doit être respecté. Et le professeur Hassan m'a dit, إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُتَمَّ بِهِ. L'imam est là, ou a pour rôle d'être suivi. Donc Cheikh Al-Albani, rahimahullah, lorsqu'il priait derrière Cheikh Ibn Baz, il considérait Cheikh Ibn Baz comme son imam, donc il faisait ce qu'il faisait, même si lui considérait que c'était une innovation. Et al-khilaf al-shar, la divergence, c'est un mal. Et le hadith qui dit khilaf ummati rahma, que la divergence de ma communauté c'est une miséricorde, c'est un hadith qui est mentour, c'est un hadith mensonger. La divergence c'est toujours quelque chose de mal, de mauvais. Et c'est pour cela que Ibn Mas'ud radiallahu anhu, lorsqu'il priait derrière Ali radiallahu anhu pendant le hajj, aminan, la sunna c'est de faire Al-Qasr. La sunna pour ceux qui sont au Hajj Aminam, c'est de faire les prières à raccourci. D'accord ? C'est de les faire raccourci. Al-Dhuhr, tu le pries deux rak'at. Al-Asr, deux rak'at. Et Ali, radiallahu anhu, lorsqu'il était calife, il priait en faisant quatre rak'at. Et Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, a condamné ce fait de Ali, radiallahu anhu. Il a condamné cela et n'était pas d'accord avec lui. Mais lorsqu'il priait derrière lui, il priait 4 raka'at. Et lorsqu'on lui a dit, « Oh Abdullah ibn Mas'ud, pourquoi est-ce que tu as pris 4 raka'at alors que tu condamnes fortement cela ?» Il a dit, « Al-khilaf al-shar. » La divergence est quelque chose de mauvais. D'accord ? Donc il y a des sujets où tu ne dois pas obéir lorsque c'est une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, mais il y a des sujets des sujets de divergence où chaque imam a son avis, chaque imam a fait son effort de réflexion, a des hadiths à l'appui, et bien dans ce cas, c'est là où il doit y avoir la tolérance. Et dans ce cas, lorsque tu pries derrière une personne qui a un avis contraire à toi et que cet avis est fondé, alors suis-le. Donc si tu pries derrière un imam qui fait qunut al-fajr tout le temps en considérant l'avis de l'imam Malik et que pour lui c'est une sunna, alors fais le qunut avec lui. Là. Uthman, sahih. Barakallahu fik. Le khilaf, c'était entre Abdullah ibn Mas'ud et Uthman, radiallahu anhu, non pas Ali. Barakallahu fik. Après, ça c'est une autre question. Si l'imam est un innovateur, là c'est une autre question, inchallah, on y répondra plus tard. Tayyib. كما صرح بذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق قال قلت لأبي يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي هاهنا بالكوفة نحو من خمس سنين فكانوا يقنطون في الفجر قال أي بني محدث حديث صحيح. Donc la preuve que Al-Qunut fil Fajr tout le temps et en dehors des événements qui touchent les musulmans est une innovation, c'est le hadith de Abi Malik al-Ashja'i, Sa'd ibn Tariq, qui a dit, j'ai dit à mon père, ô père, tu as prié derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, derrière Abu Bakr, derrière Omar, derrière Uthman et derrière Ali, ici Al-Kufa, c'est-à-dire en Irak, pendant 5 ans, c'est-à-dire, et toi qui as prié derrière Ali, pendant 5 ans, et lorsqu'il parle des 5 Ali, il ne parle pas du prophète sallam, de Omar et de Uthman. Lorsqu'il parle des 5 années, il parle des 5 années qu'il a prié derrière Ali al-Kufa, car Ali, radiallahu anhu, lorsqu'il est devenu imam, le guide des musulmans, il est parti de Médine vers Al-Kufa. Et il lui a demandé, فَكَانُوا يَقْنُوتُونَ فِي الْفَجْرِ, est-ce qu'il faisait Al-Qunut fil Fajr? Il a répondu, أَيْ بُنَيَّ مُحْدَثْ, oh mon fils, c'est une innovation. Oh mon fils, c'est une innovation, hadith authentique apporté par Ibn Majah et Al-Imam Ahmed. وَمِنَ الْمُحَالِ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في كل غداة بعد اعتداله من الركوع يقول اللهم اهدني في من هديت وتولني في من توليت إلى آخره ويرفع بذلك صوته ويؤمن عليه أصحابه دائما إلى أن فارق الدنيا ثم لا يكون ذلك معلوما عند الأمة بل يضيعه أكثر أمته وجمهور أصحابه بل كلهم حتى يقول من يقول منهم إنه محدث كما قال سعد بن طارق الأشجعي كلام من زاد المعاد لابن القيم رحمه الله. الإمام ابن القيم رحمه الله dit, et il est inconcevable que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait prié al-fajr, ait prié à chaque fois, ou il est inconcevable que durant toutes les prières du fajr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dise l'invocation Allahumma hdini fi man hadayt wa tawallani fi man tawallayt, après l'inclinaison, qu'il lève ses mains, qu'il lève sa voix, et que ses compagnons disent Amin, et qu'il fasse ceci jusqu'à la fin de ses jours, puis que par la suite, cela ne soit pas connu de sa communauté, et que la plupart de sa communauté ne le fasse pas, et que la plupart de ses compagnons, même l'ensemble de ses compagnons, ne le fassent pas, et que certains d'entre eux sont amenés à dire que c'est une innovation, il est inconcevable que le prophète saint puisse faire cela. Autrement dit, Al-Imam Ibn Al-Qayyim a dit, il n'est pas possible que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si c'était une sunna de faire Al-Qunut al-Fajr, le prophète sallallahu alayhi l'aurait fait tout le temps. Il est inconcevable que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait tout le temps prié le Fajr, et durant chaque prière, fasse le Qunut après Rukur, qu'il lève sa voix, qu'ils disent Amin, c'est-à-dire que ses compagnons l'entendent, et que ses compagnons disent Amin à ses invocations, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fasse cela jusqu'à la fin de ses jours, et que par la suite ce soit une sunna délaissée, que personne ne pratique, et que personne ne pratique parmi la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que personne n'a pratiqué parmi ses compagnons, et que même que certains compagnons arrivent à dire que c'est une innovation. Cela prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait pas Al-Qunut au fil Fajr. Cela prouve que le professeur Asselam ne faisait pas le Qunut fil Fajr, car si le professeur faisait le Qunut pendant la prière du Fajr, ce serait une chose connue, ce serait une chose répandue, et ce serait une chose appliquée par les compagnons du professeur Asselam d'une part, et par sa communauté par la suite. Vous avez saisi? Taïb, il y a pour le mot. Le problème maintenant, c'est que déjà il y a la façon de faire, et quand est-ce qu'on fait par exemple, les imams qui font ça, ils font avant le recours et ils font à voix basse. À voix basse, non, ça veut dire, il n'y a pas, si à la rigueur ils font à la manière du professeur Azalam, on va dire que. Non, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'imams, surtout au Maroc et autres, lorsqu'ils font, entre guillemets, cette sunna, ils la font avant le recours et ils le font à voix basse. Donc si même il voulait appliquer le hadith où le prophète faisait le qunut, il faisait après al-ruku' et il le faisait à voix haute. Mais si tu prie derrière un imam qui fait justement cela, qui fait le qunut avant al-ruku' et à voix basse, qu'est-ce que tu veux faire autre que de te taire et attendre qu'il finisse? Alhamdulillah, c'est quelque part il te facilite la tâche. Quelque part il te facilite la tâche. Il lève pas les mains. Il lève pas les mains, il dit rien, il parle à voix basse. Donc même si tu veux faire le ta'amin, tu pourras pas, t'entends pas ce qu'il dit. Donc dans ce cas, tu restes debout et t'attends qu'il finisse. Ou bien tu t'en profites pour lire tes surat. طيب قيام الليل. قيام الليل سنة مستحبة وهو من أهم خصائص المتقين. Donc ensuite l'auteur parle de la prière de nuit, la prière de nuit. La prière de nuit est une sunna préférable. Et c'est la plus importante des spécificités des personnes pieuses. قال الله تعالى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. سورة الذاريات verset 15 à 19. La preuve que la prière de nuit est une des spécificités des personnes pieuses, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit « Les pieux seront dans des jardins et des fleuves. أَخِذِينَ مَا أَتَاهُمْ رَبُّهُمْ. Ils prendront ce que leur Seigneur leur a donné. Ils prendront ce que leur Seigneur leur a donné. Ils prennent ce que leur Seigneur leur a donné. Et les savants qui ont expliqué ce verset ont dit ils prennent ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné peut se comprendre de deux façons. Soit ils prennent ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné comme bienfait au paradis, ou soit ils prennent dans cette vie d'ici-bas les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala en les appliquant et les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala en les délaissant. Donc il y a deux explications de ce verset. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit أَخِذِينَ مَا أَتَاهُمْ رَبُّهُمْ, ils prennent ce qu'Allah leur a donné, c'est-à-dire ils prennent les biens qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné, ou les délices qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné au paradis, ou bien qu'ils prennent les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette vie d'ici-bas en les appliquant et les interdits en s'en abstenant. إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ, car ils étaient avant cela, ils faisaient partie avant cela des personnes bienfaisantes. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون, ils dormaient très peu la nuit. وبالأسحار هم يستغفرون, et avant le subh ou à l'heure du suhur ils demandaient le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم, et dans leurs biens il y avait un droit pour ceux qui il est pour ceux qui leur demandent et pour ceux qui sont déshérités, ceux qui n'ont pas de biens, ceux qui sont pauvres. Et il y avait dans leur biens, c'est-à-dire dans leur argent ou même dans leur biens matériels, il y avait une part pour ceux qui leur demandaient et pour ceux qui étaient déshérités, ceux qui étaient démunis. Et dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit كانوا قليلا من الليل ما يهجعون, et ils dormaient très peu la nuit, c'est-à-dire qu'ils priaient beaucoup. Ils dormaient peu et priaient beaucoup. Et cela, les savants disent que qiyam al-layl, que la prière de nuit est une des grandes causes de l'entrée au paradis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en fasse part. Wa an Abi Malik al-Ash'ari, an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وألان الكلام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. حديث حسن رواه ابن ماجة. Et le hadith du prophète صلى الله عليه وسلم qui montre les mérites de la prière de la nuit, et le hadith de Abu Malik al-Ash'ari qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il y a au paradis des chambres dont l'intérieur est visible de l'extérieur et l'extérieur est visible de l'intérieur. Allah subhanahu wa ta'ala les a préparées pour ceux qui ont donné à manger aux pauvres, les man at'ama at'am, c'est-à-dire qui a donné à manger à ceux qui le demandaient. Et les savants disent, celui qui a donné à manger à sa famille, celui qui a donné à manger aux pauvres, celui qui a donné à manger aux invités. Les trois entrent dans ce hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a cité Al-Mubarak Fouri dans son explication de Sunan al-Tirmidhi. « Wa alana al-kalam » et « était doux dans ses paroles »« était doux dans ses paroles » Allah subhanahu wa ta'ala a réservé ces chambres au paradis à ceux qui ont donné à manger, à ceux qui ont parlé correctement, qui ont des paroles douces et bonnes, wa adama siyam, et a fait le jeûne a poursuivi ou a jeûné continuellement, c'est-à-dire après le jeûne obligatoire, c'est-à-dire ceux qui font le jeûne surérogatoire, comme le jeûne du lundi, du jeudi, comme le jeûne des trois jours blancs, le 13, le 14 et le 15e jour de chaque mois lunaire, ceux qui jeûnent Arafat, ceux qui jeûnent Ashura, etc., etc. Ceux qui ont pour habitude de faire les jeûnes surérogatoires après le jeûne du Ramadan. Et également, Allah subhanahu wa ta'ala a réservé ses chambres à ceux qui prient la nuit lorsque les gens dorment. À ceux qui prient la nuit lorsque les gens dorment. Hadith bon, rapporté par Ibn Majah. ويتأكد استحبابه في رمضان. Et il est plus recommandé, la prière de nuit est encore plus recommandée pendant le mois du Ramadan. عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Hadith muttafaqun alayh. Selon Abu Huraira, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous conseillait fortement, sans pour autant nous l'ordonner, de prier pendant le Ramadan, de prier la nuit pendant le Ramadan. Il disait, celui qui prie pendant le Ramadan, imanan, en croyant en cela et en suivant dans cette prière la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, واحتساباً et en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, غفر له ما تقدم من ذنبه, alors ses péchés antérieurs seront pardonnés. Alors ses péchés antérieurs seront pardonnés. On en déduit de ce hadith que de prier la nuit, de faire entre autres salat al-tarawih pendant le Ramadan est une sunna encore plus recommandée que la prière de nuit en général, en dehors du Ramadan. عدد ركعاته, le nombre des rak'at de la prière de nuit, أقله ركعة وأكثره إحدى عشرة, le minimum est de une rak'at, le maximum est de 11. لما مر من قول عائشة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة. Et le minimum donc est d'une raka'ah, le maximum est de 11, comme cela a été rapporté dans le hadith de Aïcha que l'on a cité précédemment, lorsqu'elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait pas plus que 11 raka'at pendant le Ramadan ou en dehors du Ramadan. Hadith qu'on a cité précédemment. Mashru'iyat al-jama'a fi qiyam Ramadan. Il est légiféré de prier en groupe pendant le Ramadan, de prier en groupe durant la prière de nuit pendant le Ramadan. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثانية أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان. حديث متفق عليه. Donc elle a preuve qu'il est légiféré de faire la prière de nuit pendant le Ramadan en groupe. C'est le hadith de Aïcha radiallahu anha qui dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a prié une nuit à la mosquée et on priait derrière lui certaines personnes. Puis la nuit suivante, le prophète a également prié à la mosquée, فكثر الناس, et les gens sont venus plus nombreux. ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة, puis la troisième nuit ou la quatrième nuit, les gens se sont aussi rassemblés. فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم, mais cette fois-ci le prophète صلى الله عليه وسلم n'est pas sorti. Et au matin, à l'heure du subh, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: j'ai vu ce que vous avez fait, autrement dit, j'ai vu votre attroupement et votre regroupement dans la mosquée, et la seule chose qui m'a empêché de sortir, c'est que j'avais peur que cette prière devienne pour vous obligatoire, ou qu'Allah subhanahu wa ta'ala rende cette prière obligatoire pour vous. Wa dhalika fi Ramadan, et ceci pendant le Ramadan. Donc Aïcha a dit, et ceci, c'est-à-dire cette prière a eu lieu quand? Pendant le Ramadan. وعن عبد الرحمن بن قارئ أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهب فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم قال عمر نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله حديث صحيح رواه مالك في مؤطيه والبخاري في صحيحه. L'autre preuve qu'il est autorisé de prier en groupe la prière de nuit pendant le ramadan, c'est le hadith d'Abd Rahman ibn Qari qui dit « J'étais sorti avec Omar ibn al-Khattab une nuit du ramadan à la mosquée. Les gens étaient séparés. Les gens étaient dans la mosquée, priaient dans la mosquée en faisant des groupes séparés. L'homme priait tout seul, certains priaient tout seul, d'autres priaient devant ou derrière un imam, ils étaient au nombre de 3, de 3 à 10. Ar-rahto, c'est en arabe 3 à 10 hommes. 3 à 10 hommes, ils sont appelés en arabe ar-rahto. Et Abdurrahman ibn Qari, lorsqu'il est rentré avec Omar al-Khattab dans la mosquée, ils ont vu des compagnons du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, des hommes prier seuls et d'autres qui priaient, et derrière eux, il y avait 3 à 10 personnes. C'est-à-dire, il faisait plusieurs groupes comme ça, chacun priait de son côté. Faqala Omar, et Omar a dit, si toutes ces personnes étaient réunies derrière un seul imam, un seul lecteur, cela serait meilleur. Et Omar ibn Khattab a ordonné à Ubay ibn Ka'b de présider la prière et aux gens de prier derrière lui. Thumma kharajtu ma'ahu laylatan ukhra. Et Abdurrahman ibn Qari dit, et je suis sorti une autre nuit avec Omar ibn Khattab, et les gens prient cette fois-ci derrière un seul prieur. Et Omar radiallahu anhu a dit sa parole célèbre, Ni'matil bid'atu hadihi, quelle belle innovation que celle-ci, wallati yanamuna anha, et la prière pour laquelle ou dans laquelle ils dorment est meilleure que celle qu'ils prient. C'est-à-dire, il voulait dire par là, Omar al-Khattab, que la prière de la fin de la nuit est meilleure que la prière du début de la nuit. Et les gens, lorsqu'ils priaient en groupe pendant le ramadan, ils priaient au début de la nuit et non à la fin. Et Omar al-Khattab, lorsqu'il a dit, et quelle belle innovation que celle-ci, beaucoup de gens d'innovateurs ont utilisé cette parole de Omar al-Khattab pour dire qu'en islam, il y a des innovations bonnes. Qu'en islam, il y a des innovations bonnes. Et cela est faux. La règle en islam, c'est que toute innovation est mauvaise. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar » Toute innovation est un égarement et tout égarement est en enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Kullu » c'est-à-dire toute innovation. En islam, il n'y a pas de bonne innovation. Maintenant, si quelqu'un vous dit « Mais Omar al-Khattab » qui est un des élus du paradis, qui est le meilleur de la communauté après Abu Bakr et après le prophète sallallahu alayhi wa sallam et après Abu Bakr. Et il fait partie des khulafa al-rashidin, il fait partie des califes bien guidés. Et c'est lui qui a dit ni'matil bid'atu hadihi. Quelle belle innovation que celle-ci. Pourquoi est-ce que vous ne prenez pas cette parole de Omar al-Khattab? Pourquoi vous qui dites que vous suivez vos salafs, pourquoi dans des paroles comme celle-ci vous ne suivez pas vos salafs? Qu'est-ce qu'on leur répond? On leur répond bien sûr qu'on suit nos salafs. Et la parole de Omar al-Khattab, ni'matil bid'atu hadihi, on l'a dit nous aussi. Quelle belle innovation que celle-ci. Mais qu'est-ce que Omar al-Khattab, radiallahu anhu, voulait dire par cela? Est-ce que Omar al-Khattab a apporté du nouveau ou pas? Non. Car le professeur sallallahu avait déjà prié durant son vivant. Pendant le ramadan, et les gens avaient prié derrière lui. Donc c'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un autre hadith du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam où le prophète Hassan a dit Inna rajula, l'homme, lorsqu'il prie avec son imam jusqu'à ce que l'imam parte, le prophète Hassan a dit Kutiba lahu qiyamu layla. Allah subhanahu wa ta'ala lui compte comme s'il avait prié toute la nuit. Si tu pries derrière ton imam pendant le ramadan et que tu pries avec lui jusqu'à la fin, jusqu'à ce que l'imam parte, Allah subhanahu wa ta'ala te donnera la récompense d'une prière de toute la nuit. Donc, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a une source. Il y a des hadiths qui prouvent qu'il est autorisé de prier pendant le ramadan en groupe. Donc, Omar al-Khattab, radiallahu anhu, lorsqu'il a dit quelle belle innovation que celle-ci, il parlait de l'innovation dans le terme littéraire, dans le sens littéraire du mot et non pas dans le sens juridique. Si tu vois par exemple la dernière des Mercedes, tu as le droit de dire Ni'matil bid'atu hadi. Quelle belle innovation que celle-ci. Est-ce que quelqu'un va te reprocher quelque chose? Non, c'est une innovation dans le sens littéraire. Dans le sens littéraire. Et pourquoi est-ce que Omar al-Khattab a utilisé le terme innovation comme pour dire que c'était quelque chose de nouveau? Car les compagnons du prophète, après la mort du prophète, durant le calife d'Abu Bakr et durant le début du calife de Omar, c'était une période où il y avait beaucoup de croisades. C'était une période où il y avait beaucoup de batailles, où l'islam s'est le plus répandu. Et les gens ont délaissé cette sunna du prophète sallam de prier la prière de la nuit, de prier à Tarawih en groupe. C'était quelque chose qui avait été délaissé. Et Omar al-Khattab, lorsqu'il rentrait à la mosquée pendant le ramadan et qu'il voyait les gens prier chacun de leur côté, il a dit, il leur a ordonné de prier derrière Ubay ibn Ka'b, il a dit Ni'matil bid'atu hadi. C'est une chose nouvelle. Autrement dit, c'est une chose qui a été délaissée. Elle a été délaissée tellement longtemps que de la reprendre, c'est comparable à une chose nouvelle. Vous saisissez ? Donc les savants disent, Omar al-Khattab, lorsqu'il a utilisé le terme bid'ah, il n'a pas utilisé dans le sens juridique, mais il a utilisé dans le sens littéraire, c'est-à-dire que c'est une chose nouvelle. Vous avez saisi ou pas ? Istihbabu salat al-rajul bi ahlihi fi ramadan, qu'il est préférable de prier pour l'homme de prier avec sa famille en dehors du ramadan. عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصلي أو صلى ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. حديث صحيح رواه أبو داود وابن ماجه. Donc il est préférable à l'homme de prier avec sa femme la nuit en dehors du ramadan. La preuve est le hadith d'Abu Saïd qui dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: lorsqu'un homme réveille sa famille la nuit, puis prie, c'est-à-dire avec sa femme, et dans une, ou Abu Saïd a dit, ou bien prie ensemble deux raka'at, ils seront alors inscrits parmi al-dhakirin Allah kathiran wa al-dhakirat, parmi ceux qui se rappellent beaucoup Allah, min al-dhakirin Allah kathiran, ceux qui se rappellent beaucoup Allah en parlant des hommes, wa al-dhakirat, et celle qui se rappelle beaucoup Allah en parlant des femmes. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans sourate Al-Ahzab, lorsqu'il dit le verset Inna al-Muslimina wal-Muslimat, wal-Mu'minina wal-Mu'minat, wal-Qanitina wal-Qanitat, les musulmans, les musulmans, les croyants, les croyantes, les dévoués au masculin et au féminin, jusqu'à la fin du verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit wal-Hafidhina furujahum wal-Hafidhat, et ceux et celles qui préservent leur sexe, وَذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَذَّاكِرَاتٍ, et ceux et celles qui se rappellent beaucoup Allah, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا, Allah subhanahu wa ta'ala leur a réservé un grand pardon, لَهُمْ مَغْفِرَةً, un pardon et une immense récompense. Allah subhanahu wa ta'ala leur réservera un pardon de sa part et une immense récompense. Et dans un autre hadith que l'auteur n'a pas cité, le hadith d'Abu Huraira radiallahu anhu, qui est rapporté dans Sunan Abi Daoud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah fasse rentrer dans sa miséricorde un homme qui s'est levé la nuit et réveille sa femme Et ensuite le prophète a dit فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ عَلَى وَجِهَ الْمَا. Et si elle refuse, qu'il verse de l'eau sur son visage. Et ensuite le prophète a dit وَرَحِمَ اللَّهُ مْرَأَةً قَامَتْ فِي اللَّيْلِ. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde à une femme qui s'est levée la nuit pour prier et a réveillé son mari. Et s'il ne s'est pas réveillé, s'il refuse, qu'elle verse de l'eau sur son visage. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam cite et dit trois personnes, Allah subhanahu wa ta'ala leur sourit et leur annonce la bonne nouvelle. Et parmi ces trois personnes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité وَالرَّجُلُ لَهُ مْرَأَةٌ حَسَنَةٌ وَفِرَاشٌ لَيِّنٌ حَسَنٌ. Et un homme qui a une femme belle et qui a un lit confortable, فَقَامَ فَصَلَّى, puis se lève et prie. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit تَرَكَ شَهْوَتَهُ وَنَوْمَهُ. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit il a délaissé, en souriant, Allah subhanahu wa ta'ala dit il a délaissé ses plaisirs et son sommeil pour prier. Allah subhanahu wa ta'ala parle à ce serviteur en lui annonçant la bonne nouvelle. Donc il est préférable et fait partie des caractéristiques des personnes pieuses de prier la nuit et également de réveiller sa famille et si tu vois que ta famille, ta femme et tes enfants sont fatigués, alors le mieux c'est de les laisser dormir. Car on avait vu le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où Aïcha a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait et moi je dormais. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait faire al-witr, c'est-à-dire vers la fin de la nuit, Aïcha a dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam me réveillait et je faisais al-witr. Donc, en fonction de l'état de fatigue de ta famille, c'est à toi de juger s'il est préférable de les réveiller pour prier ou non. Et Annie, c'est à toi de juger, mais sache que de les réveiller, il y a derrière cela une grande récompense. Qadha ou qiyam al-layl, de rattraper la prière de nuit. An Aisha radiallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, idha fatathu salatun, as-salatu min al-layl min waj'in aw ghayrih, salla min al-nahari 12 rak'ah. Selon Aisha radiallahu anha, elle dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il ne priait pas la nuit, pour cause de maladie ou autre, il priait la journée 12 rak'at. Il priait la journée 12 rak'at, hadith rapporté par Ibn Muslim et Ibn Majah. Wa an Umar ibn al-Khattab radiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man nama an hizbihi min al-layli aw an shay'in minhu fa qara'ahu ma bayna salati al-fajr wa salati al-dhuhr kutiba lahu ka'annama qara'ahu min al-layl, hadith sahih rawahu Muslim wa Tirmidhi wa Abu Dawud. Donc dans le premier hadith, on en déduit que celui qui n'a pas pu prier la prière de nuit pour cause de maladie ou autre, qui lui est autorisé pour rattraper cela de prier 12 raka'at pendant la journée. Mais quand est-ce que cette personne doit prier ces 12 raka'at en guise de rattrapage? La réponse est dans le hadith de Omar ibn Khattab radiallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui a dormi an hizbihi min al-layl, sur ce qu'il lisait pendant la nuit ou ce qu'il priait pendant la nuit ou une partie de cette prière, qu'il la lit, c'est-à-dire qu'il prie ma bayna salati al-fajr wa salati al-dhuhr, entre la prière du fajr et la prière de dhuhr, kutiba lahu ka'annama qara'ahu min al-layl, il lui sera inscrit alors comme récompense comme s'il les avait priés la nuit. Donc si tu as loupé pour cause de maladie ou autre ta prière de nuit et que tu veux la rattraper la journée, tu as le droit de la rattraper entre la prière du Fajr, et le mieux c'est après le lever du soleil, après même que le soleil se soit élevé, jusqu'à la prière de Dhuhr. Et dans un autre hadith que l'auteur n'a pas cité, que celui qui avait l'intention de prier la nuit mais pour cause de sommeil n'a pas pu se réveiller, eh bien, il aura la récompense de la prière d'une nuit entière. La preuve est le hadith de Abu Darda qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui s'allonge dans son lit pour dormir avec l'intention de se lever pour prier la nuit, faralabathu aynu, et qui a été pris par le sommeil jusque l'heure de subh, kutiba lahu ma nawa wa kana nawmuhu sadaqatan alayhi min rabbih. Il lui sera alors inscrit comme récompense ce qu'il avait pour intention, c'est-à-dire de prier la nuit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wa kana nawmuhu sadaqatan alayhi min rabbih, et son sommeil est une aumône de son Seigneur à son égard. Et le sommeil qu'il a empêché de se réveiller, c'est une sadaqa d'Allah subhanahu wa ta'ala pour lui. Hadith apporté par Al-Nasa'i et Ibn Majah, hadith authentique. Karahatu tarku qiyam al-layl liman i'tada, qu'il est détestable de délaisser la prière de la nuit pour celui qui avait l'habitude de la faire. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. حديث متفق عليه. La preuve est le hadith عبد الله بن عمرو العاص qui dit le prophète صلى الله عليه وسلم lui a dit ô عبد الله, ne sois pas comme un tel, il priait la nuit et a délaissé la prière de nuit. Il priait la nuit puis a délaissé la prière de nuit. حديث متفق عليه. Donc voilà ce qui le chapitre de l'ouitre et de la prière de nuit. On اكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.